Won Dong-yoon, directeur du secrétariat du Comité pour la réunification pacifique de la patrie, a publié le 22 un entretien qui dit notamment « Tout comme l'a énoncé clairement le camarade Kim Jong-un dans son historique rapport du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, l'actuel problème urgent pour réunifier la patrie en toute indépendance, c'est d'améliorer foncièrement les rapports intercoréens et, à cette fin, d'éliminer la méfiance et la confrontation et de s'engager vaillamment à améliorer les rapports à travers le dialogue et la négociation nord-sud. Le nord et le sud doivent développer au maximum le dialogue et les négociations de divers niveaux et dans divers secteurs en s'inspirant de la noble volonté du grand homme sans égal afin de supprimer le malentendu et la méfiance et d'ouvrir ensemble l'issue de la réunification de la patrie et de la prospérité commune nationale. Pour l'immédiat, il faut ouvrir sans tarder le dialogue et la négociation entre les autorités militaires nord-sud. Le nord et le sud doivent prendre les mesures pratiques pour réduire la tension militaire et les dangers conflictuels sur la ligne de démarcation militaire et dans la zone du pont chaud de la mer de l'Ouest et développer leur envergure suivant la création du climat de confiance militaire. Sans égard au changement de la situation et de l'environnement, ils doivent respecter les historiques accords engagés devant la nation et le monde, tels que les trois principes de réunification de la patrie et les déclarations communes nord-sud, et les appliquer sciemment. Les autorités et tous les hommes politiques de la Corée du Sud doivent se joindre activement au courant colossal pour démolir la muraille de division et ouvrir le grand passage à la réunification de la patrie, profondément conscients du noble dessein du grand homme sans égal, décidé à améliorer les rapports nord-sud et à anticiper la réunification indépendante, conformément aux exigences et intérêts de toute la nation et suivant le drapeau de l'indépendance, de la paix et de la grande union nationale.